On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un d'être tout à fond, que je vous fais chier à laisser vos merdes. Tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the gun, I've been to the wow. On the rocks. Wow. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Wouh. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Manu dans The Rocks, comme tous les lundis soirs, ou presque de 19h à 20h30. Et ce soir, ça va être très rock'n'roll, alors exceptionnellement pas de coup de cœur ce soir dans The Rocks, exceptionnellement pas de rétroviseur pour les 30 ans, mais une heure pleine comme un œuf consacrée à Roberto Piazza, alias Little Bob. Ça fait bien longtemps que j'avais envie de rencontrer Little Bob, 30 ans d'émission et lui beaucoup plus de rock'n'roll à son compteur. Eh bien ça y est, c'est fait grâce à Christophe Arondo, encore lui il est partout, et son fameux festival à la guinguette Roxette. Eh bien Little Bob a eu la gentillesse de m'accorder une interview début juillet et je la diffuse maintenant. Quand on pense au rocker français, beaucoup de gens pensent immédiatement à Johnny Hallyday. C'est une grave erreur. Le seul vrai rocker qui vient de France et qui a été reconnu outre-Atlantique et en tout cas outre-Manche plutôt, c'est Little Bob, alias Roberto Piazza, arrivé en 1958 au Havre et qui, depuis 1974, fait du rock'n'roll. Il a été adulé en Angleterre, même s'il est moins connu en France. Il a côtoyé tous les grands groupes de la fin des années 70. Tout le monde le connaissait. C'est une des idoles de Manu Chao, du bassiste des Clash. Et bien ce soir, Roberto Piazza, alias Little Bob, nous parle. Je l'ai donc attrapé avant qu'il monte sur scène lors de la guinguette à Blois, cette fameuse guinguette de Blois. Et Little Bob traverse une période un peu difficile. À 77 ans, il a toujours le feu sacré, il a toujours sa voix et il a toujours son œil malicieux. Cette générosité qui fait que tout le monde aime Little Bob. Une période un peu difficile, et des décès à succès successifs l'entourent. D'abord il y a eu Serge Hendrix, guitariste de La Story, et puis sa femme qui s'en est allée il y a 3 ans et à qui il rend vraiment hommage sur son dernier album. Et puis il y a quelques semaines, Guy-Georges Grémy, le guitariste également de La Story, qui a disparu. Et pour couronner le tout, eh bien juste avant ce concert du mois de juillet, Little Bob avait fait une chute qui aurait pu en dissuader plus d'un de monter sur scène, la hanche en vrac. Et bien pourtant il a chanté sur scène en s'excusant d'être assis, car ça ne lui ressemblait pas, lui qui a toujours été debout et qui a toujours été une légende. Donc c'est une légende ce soir qu'on reçoit dans The Rocks. On va commencer avec un extrait de son dernier album qui donne le nom à son album. Little Bob Story n'existe plus depuis quelques années. C'est Little Bob et les Blues Bastards. Et bien sur ce dernier album il y a un morceau qui s'appelle We Need Hope, et c'est le nom également de l'album. On commence par ça pour cette soirée On The Rocks spéciale Little Bob. C'est Little Bob sur On The Rocks. We need hope for a change. Everything is going wrong, damn, damn bad. We need hope and a big change. Change of society. help for the human's being. We need hope. J'ai bien dit 77 ans, Little Bob, Roberto Piazza, toujours sur le pont et toujours avec cette énergie et cette générosité. C'était un extrait donc de son dernier album et des succès et des morceaux dantesques qu'il en a eu dans sa carrière énormément. On va la visiter un petit peu ce soir et on va bien sûr commencer avec la fabuleuse story de Little Bob Story. Bien voici donc la première partie de l'interview de Little Bob enregistrée à Blois, c'était en juillet dernier. Donc je suis backstage avec Little Bob et c'est une joie immense. Salut. Salut, salut tout le monde. Tu comptes plus tes concerts ? Non, non, je veux pas le décompte, non. Mais c'est bien. Dans ma vie, j'aime chanter, j'aime être sur scène, j'aime être la rencontre avec le public. Et ici, on est vachement bien reçu par Christophe et toute sa bande. Et puis Blois, bah, c'est un endroit où je suis venu assez souvent depuis 20 ans. Voilà, et donc voilà, je suis là. Est-ce que le moment qui précède l'entrée sur scène, est-ce que tu éprouves toujours les mêmes sensations que tu éprouvais au départ ou est-ce que ça a évolué ? Est-ce que le track a baissé ? Est-ce que le track est plus important ? Non, le track a un peu baissé, suivant les concerts. Et là en ce moment j'ai un peu le trac parce que je suis quand même tombé il y a 15 jours, je me suis blessé à la hanche, donc je chante sur un tabouret. Mais ça va, la voix est là, il n'y a pas de problème, le groupe joue toujours bien. Il y a très longtemps que le groupe a été aussi bon. Bah, pour te rassurer, j'ai vu Joe Jackson il y a deux soirs qui passe le concert assis, mais quand il envoie I'm the Man même assis, ça le fait très très bien. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Mais les pros, c'est ça aussi. Hein. Et puis, j'ai vu des groupes où les chanteurs avaient vieilli énormément au niveau de la voix. Et ça le fait pas, quoi. Il faut pouvoir chanter pour envoyer, quoi. Ouais, c'est pas la hanche qui fait le job, c'est la voix. I time. Yeah. That's enough. So just gonna stay with me, okay? You don't know the walk? I don't mind. I don't care. So easy. It's just I time. Little Bob a conquis l'Angleterre à la fin des années 70 avec ses performances live. Il est toujours debout, il est toujours sur scène, mais là c'était l'époque, j'allais dire la grande époque de la story avec leur tube High Time, avec une petite chatouille à Jerry Lee Lewis au milieu. On retrouve donc Little Bob en interview dans The Rocks. Tu joues avec les Blues Bastards depuis des années maintenant, mais comment le blues qui est là depuis le départ en fait, je trouve, comment le blues est né? Est-ce que Il date de l'arrivée du petit Roberto en France. Est-ce que il est né de ce déracinement ou est-ce qu'il vient d'ailleurs? Un peu les deux. Le déracinement, oui, j'avais le blues. Mais j'aime la France. J'aime l'endroit. J'ai été bien accueilli comme môme. Ça a été plus facile pour moi de m'en sortir en France, j'imagine. Vu ma taille, vu comment je suis. La France m'a bien accueilli. J'ai toujours trouvé les musiciens que je voulais. Et là, le Blues Bastards aujourd'hui, pourquoi Blues Bastards? J'adore le blues, j'ai toujours aimé le blues, même au départ de Little Bob Story. Mais parce qu'on bâtardise le blues avec du rock'n'roll, voilà. Donc c'est un mélange des deux. Alors suivant les soirs, on peut jouer un peu plus de blues ou un peu moins, voilà. Ce soir, son versant bluesy, Ready to Fly, tiré de son dernier album qui s'appelle We Need Hope. Et avant, c'était plutôt son côté rock'n'roll. Et les deux sont souvent mélangés et sur scène, on retrouve les deux avant de se passer un autre hymne de la story qui s'appelle Riot in Toulouse, voilà, vous l'avez déjà forcément entendu. Et bien, on retrouve Little Bob dans les coulisses de la guinguette de Blois. C'était en juillet dernier. Alors, on parlait de ta voix qui fonctionne encore très bien, et on va en avoir la preuve ce soir. Ton instrument principal est devenu ta voix depuis des années, plus que la guitare d'ailleurs. Mais pour être tout à fait honnête, ton premier instrument, ça a été une raquette de tennis, comme tout le monde. Évidemment, devant la glace. Et c'est pour ça, avec mon groupe, le premier qui s'appelait les Apaches. Et en fait, j'en avais avec mes amis du groupe, on était 4 ou 5, et je leur ai dit, on fait un groupe de rock. Il dit, ah Bob, on sait pas jouer. Il dit, ben vous allez apprendre. Donc moi j'ai dit, moi je serai guitare rythmique et chanteur. Il y a Mohamed qui se faisait appeler Teddy, qui a dit, moi je serai guitare solo. Puis il y avait deux frères, il y a un qui dit, moi je serai batteur. Et puis l'autre m'a dit, qu'est-ce que je fais? Moi, tu tiens la basse. Et après, on a commencé à prendre des cours et à avancer. Ça n'a pas duré hyper longtemps parce que je me suis aperçu assez vite qu'il y avait des lacunes importantes chez chacun des musiciens. Et après, c'était Red Devil. Toi, jusqu'à Little Blue Story, qui a même attendu 4 à 5 ans avant de devenir pro. Le premier truc important qu'on a fait, c'est 12 concerts d'affilée en Grande-Bretagne par un ami qui travaillait dans un pub à Londres à ce moment-là, et qui a filé une cassette de ce qu'on faisait à une boîte du Pays de Galles. Et donc ils nous ont dit, on les prend, 12 concerts en 12 jours. Voilà. Et après, on a trouvé un mec qui est venu nous voir à Paris et qui travaillait déjà avec Ange et son management. Il est venu nous voir à Paris début 76 et il nous a rien dit à nous, et il a appelé Jean-Claude Poignant, qui était à l'époque manager de Ange, et leur dit, je veux Little Blue Story pour l'Angleterre. Voilà. L'autre, il a dit oui, et voilà. Et ainsi, on a tourné, on a fait les premières 4 années de 76 à 80. On a fait 400 concerts en Grande-Bretagne, à travers tout, quoi. L'Écosse, l'Irlande, le nord de l'Écosse, le sud de l'Angleterre, le Pays de Galles. Comme mes poches, quoi, l'Angleterre. Voilà. Et on jouait autant en France parce que ça avait frappé l'esprit des gens qu'un groupe français aille finalement jouer du rock'n'roll en Angleterre. We'll be right back. Riot in Toulouse, c'était évidemment la Little Bob Story avec Toulouse, bande Toulouse. Voilà, c'était fallait le faire. Il l'a fait, il a eu raison. Si vous voulez une preuve que Little Bob était un excellent chanteur, il l'est toujours. Bon, on va se passer une petite version assez rare ensuite d'une reprise de James Brown, mais pour l'instant, on retrouve Roberto Piazza alias Little Bob en interview dans The Rocks. Vous étiez un peu les Jacques Tati du rock'n'roll, c'est-à-dire plus connu en Angleterre qu'en France, plus reconnu là-bas. Vous êtes arrivé avec du rock'n'roll à un moment où en Angleterre c'était plutôt l'explosion du punk et du reggae. Le punk c'était, 76. Ouais. Il y avait le pop rock qui avait explosé. Mais moi, pour moi, j'ai bien aimé les groupes de pop rock évidemment, comme Feel Good et les autres, Eddie and the Hot Rods et compagnie, les Mets. Mais moi j'étais inspiré plutôt par un groupe comme MC5 américain, qui était plus violent et qui rentrait dedans, et on jouait du rock'n'roll, donc évidemment on nous a mis dans le paquet du pop rock, quoi, c'est tout. Mais bon, j'aimais bien le pop rock, pas de problème. Mais les punks venaient nous voir jouer en Angleterre dans les clubs, parce que on avait répété pendant 5 ans comme des malades, et ça jouait, ça, on était archi au point. Sex, sex, sex. in the face. Brings you back to this awful place. Knock all merchants and your bankers too. Let's get up and learn those rules. With a man and the crazy chief. One says sun and one says sea. AM and FM and PM too. Turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Jimmy Honda, you Sonic. So cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cent. English pounds and Eskimo pence. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Clocks go slow in a place of work. Minutes drag and the hours just. Yeah, wait, bye-bye. Wave bye-bye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell rings. Take 1 hour, do your fancy. She's boy girl. What do we have for entertainment? Cops kicking gypsies on the pavement. Now the news has left your attention. New England landing of the dead convention. Italian monster shoots a lobster. Seafood restaurant gets out of hand. Car in the fridge, a bridge in the car. A cowboy's team, TV land. Sweat some more. The sun will sink and we'll get out the door. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he thinks his wages. Your friend, your sweat. But did you know it? You ain't getting. Your friend, your sweat. But did you know not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start. Get your car out of that gear. Call them up, fire an English king. Do the ticket at the 7-Eleven. To speak, but he has sense. Angles landing, the necessary events. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificent. What do we got? King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. Went on to win 50 mil. It can be true, it can be false. You'll be given the same reward. Socrates and Milhouse both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or Tintin. Who's more famous than the billion million? Who's black? Vacuum cleaner sucks up budget. James Brown repris par Little Bob, et puis à l'instant c'était les Clash évidemment avec The Magnificent Seven, tiré de l'album, si je ne dis pas de bêtises, Sandinista. Pourquoi les Clash? Bah parce que ils se sont côtoyés, Little Bob, les Clash, tout ça, ça faisait partie des groupes qui enflammaient Londres à la fin des années 70. Et Little Bob en faisait partie alors qu'il était à peu près inconnu en France, sauf des puristes. Et ben là-bas, en Angleterre, son nom était dans toutes les lèvres et sur toutes les lèvres du milieu rock'n'roll. On retrouve donc Little Bob en interview dans The Rocks. On va revenir sur ta voix parce qu'il y a eu les Apaches, il y a eu la Story bien sûr, qui a marqué ta carrière. Il y a maintenant les Blues Bastards, mais c'est ta voix qui est le fil rouge entre tout ça. À quel moment précis dans ta vie tu as pris conscience du pouvoir de ta voix? Bah écoute, ça doit être quand j'étais devant la glace, hein, avec la raquette. Non, mais j'ai su que je pouvais. Après, j'étais très timide, vu ma taille, vu un peu mes rondeurs, mes cheveux longs. Enfin, j'étais mal habillé. Je faisais pas attention à tout ça et. J'avais presque un peu les jetons, le gros trac de monter sur scène. Et puis je fermais les yeux et j'attaquais. Et puis les gens aimaient bien ce que je donnais, quoi. Donc ils ont oublié ma gueule, comment j'étais, tout ça. Et puis maintenant, de toute façon, c'est comme ça. Les gens, même, je le sais, quand j'arrive en concert, il y a beaucoup de fans qui viennent. Parce que, évidemment, ça fait 46 ans qu'on tourne, 18 albums studio, 5 lives, et ça fait pas mal de disques, tout ça, en cette période. Et pour l'instant, j'ai pas envie de m'arrêter. Et tout ça sans aucune concession, sans aucun compromis, et en étant libéraux, toujours libres. Est-ce que le blues, c'est un peu du côté des opprimés, toujours. C'est pas du côté des. Est-ce que tu as souffert de racisme, toi? Et est-ce que tu as puisé là-dedans pour ton chant? Oui, j'ai souffert de racisme. En plus, comme j'étais un petit mec, tu vois, c'était encore plus facile. Voilà. Italien, petit mec, il fallait que je me batte des fois, tu vois, pour pas laisser faire. Et je m'en suis sorti par la volonté, et toujours la volonté de le faire. Et puis les gens qui m'aimaient pas, je m'en fous, ils m'aimeront. S'ils aiment la musique, ils m'aimeront. Et voilà, partout il y a des fans qui me connaissent et qui viennent nous voir. Donc voilà, on a remarqué un peu partout. Small town in Northern Italy. He cannot beat his wife and kids to Normandy. They arrive in this town where the sky is gray, the winds are strong. Feed his family work that did nobody wrong. Home for his family. Never hope to get a slice in this poor man's land. But even in his new country, he had to understand that he was just a number and not a blind loser. Making every morning for the whistle blow cold. Job, as you can see. Twisting like a rattlesnake. from the noise, the danger so close. Factory for some money to leave home for his family. Now Libero is all gone forever in his promised land. He gave him sweat and blood, had to understand. He'll never get a chance working so hard and strong. Had a rebel soul and did nobody wrong. A time ago, even Ross says to my son, my name means that I'm free. Can't be nobody's slave, my little man, stay free. Little man, stay free. Stay free. I do my job, as you can see. I try to stay free. Encore Little Bob dans The Rocks. C'est une soirée spéciale Little Bob, vous l'aurez compris, ce soir dans The Rocks. Et c'était le morceau Libero, un petit hommage à son père, et ça veut dire également libre, puisqu'il est italien. Little Bob qui a souffert de sa petite taille, qui a souffert de son statut de rital à la fin des années 50 lorsqu'il est arrivé en France, et puis il a trouvé sa ville d'adoption qui est Le Havre. Et Le Havre est vraiment devenu sa deuxième maison, et voilà, le vrai maire du Havre, c'est peut-être lui. On retrouve donc Little Bob en interview dans The Rocks. Est-ce que tu dirais que quand t'as commencé à faire du rock'n'roll, c'était pour toi plutôt une porte de sortie ou une porte d'entrée? C'était une porte de sortie de mon boulot normal dans un bureau. J'en pouvais plus. Je dis, je vais pas mourir là. Toi, mais j'ai attendu quand même l'âge de 30 ans avant de devenir professionnel. De larguer la paye qui rentrait tous les mois et de pousser mes gars à être d'accord avec moi. Qu'en plus en France tout le monde me disait, mais c'est pas ce que vous jouez, c'est pas ce qui est à la mode. C'était Ange, Genesis, Pink Floyd et compagnie, voilà. Et il dit, nous on fait ce qu'on fait, puis si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Et ainsi, pendant toute ma... Même après un album comme Lost Territories, tu vois, enregistré à Los Angeles, avec EMI, qui m'avait filé pas mal de blé pour le faire, il y a eu un changement de patron chez EMI, et qui me disait, ça serait bien que tu chantes en français. Il dit, mais j'ai pas envie de chanter en français, j'ai rien contre le français, c'est une très belle langue. Mais moi, je sais pas, peut-être que j'étais un gros fainéant, que j'aurais pu me prendre le temps, 2 ou 3 ans, pour arriver à le faire bien. Mais autour de moi, je voyais tous les chanteurs de un peu rock, variété, ou les groupes. Pour moi, ça marchait pas, quoi. Pour moi, le blues, c'est en anglais, le rock, c'est en anglais. Donc voilà, il a fallu que je casse des contrats. J'ai écrit des chansons dessus, et puis je les joue encore même maintenant. Donc voilà, et puis mais là je suis heureux de faire ce que je fais. Bella ciao, this is the flower of the Partisan. Little Bob encore une fois dans On The Rocks, et c'est pas fini. La soirée spéciale Little Bob continue avec cette interview enregistrée au mois de juillet à la Guinguette. À l'instant, c'était Bella Ciao, évidemment, ce morceau qui lui est cher de par ses origines et de par son côté engagé pour la fraternité entre les peuples et la tolérance. Vous comprendrez que Little Bob Story ne vote pas pour... je ne vais pas plus loin, mais en tout cas, je ne sais pas pour qui il vote, mais en tout cas, il a toujours le cœur à portée de main et la tolérance envers les peuples du monde entier, et en particulier des Amérindiens d'ailleurs, toujours au cœur. Et puis, juste avant, il y a eu un morceau qui s'appelait Tango de la rue, qui date un petit peu et qui tirait d'un album, un bien bel album de Little Bob. On continue avec l'interview, et puis ensuite un morceau qui s'appelle You Can Come Back, qui est très émouvant, qui est tiré de son dernier album qui s'appelle We Need Hope, où il rend hommage à sa femme avec qui il était depuis 1980, qui était bien plus que celle qui s'occupait de ses affaires, de son argent détourné, mais qui était devenue vraiment sa moitié. Et comme il l'a dit après sa disparition il y a 3 ans, dans ma vie, j'avais 2 choses, ma femme et la musique, je n'ai plus que la musique. Et quand je joue sur scène maintenant, elle n'avait jamais loupé un seul de mes concerts. Et quand je joue sur scène maintenant, j'ai vraiment le blues. On se passera ce morceau qui lui est dédié, tiré de son dernier album. Et pour l'instant, il parle dans The Rocks. Toujours rock'n'roll, toujours chant en anglais, un peu en italien sur le dernier album. Tu ressuscites Bella Ciao, chant rebelle. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Il y a une chanson sur ma femme, Il bel de la vita. Et du tout, le beau de la vie, c'était toi. Parce qu'elle est partie depuis 3 ans. Saloperie de... Non, elle ne peut pas revenir. Ouais. Ce morceau, You Can't Come Back, est-ce que... You Can't Come Back, est-ce que, très émouvant. Est-ce que tu arrives à le chanter sur scène? Et si tu le chantes, est-ce que tu arrives à ne pas être submergé par l'émotion quand tu chantes ça? Oui, des fois on le fait. Des fois on le fait. Et ça va, tu le dis. Oui, ça va, parce que ça fait 3 ans maintenant qu'elle est décédée. Mais ça touche vraiment le cœur en plein, quoi. Et ben voilà. Mais j'écris plein de belles ballades pour elle. Un jour, je vais peut-être faire un disque avec toutes ces belles ballades pour elle. Hein. Mais bon, on verra. Pour l'instant, on ne sait pas encore si on va faire un live ou si je me mets à travailler sur les textes et les mélodies d'un prochain album. Faut que ça vienne tout seul. Je me force pas. I know you can't come back. am sorry when I cry. Your door. that you once wore. It's all over now, baby blue. It's all over, baby blue. It's all over. Grande voix se rencontre, d'abord celle de Little Bob avec You Can Come Back, et à l'instant c'était un de ses vieux complices, Eric Burdon, chanteur évidemment des Animals, avec It's All Over Now Baby Blue. Ces deux-là se connaissent, ces deux-là se côtoient et s'apprécient. Là on était plutôt dans des morceaux plutôt ballades et plutôt nostalgiques. Eh bien on va revenir vers le rock'n'roll avec la suite de cette interview de Little Bob. T'as côtoyé des nombreuses légendes sur la route avec la story et après. Quel est le musicien qui t'a le plus impressionné ou que tu as aimé le plus côtoyer? Je sais pas, Eric Burdon ou autre ou... Oh ben Eric Burdon évidemment, parce qu'ils m'ont très impressionné avec leur musique au départ. Et puis, mais il y avait aussi les rencontres avec Willie DeVille, par exemple, tu vois, Mick DeVille. Dès le départ, on s'est rencontrés, on a bien aimé tous les deux ce que faisait l'autre. J'ai croisé Southside Johnny, j'ai travaillé avec lui. Et même Springsteen, au départ, c'était quelque chose d'incroyable, quoi. Hein? Je crois que tu as devant toi le plus grand fan de Bruce Springsteen du monde. Ouais, Southside Johnny, Lemmy de Motorhead. Et sur Ringo Lebio, c'est lui qui lance l'album? Si ma mémoire est bonne. Listen up, sons of bitches! Little Bob's gonna tell you a story! Ouais, c'est lui qui lance l'album. Et puis récemment, sur l'avant-dernier album, on avait repris un titre à lui. Ouais, ouais, ouais. like it. Qui lance cet album, le dernier album de Little Bob Story, c'était à la fin des années 80 avec cette reprise de Hush, reprise assez, alors il y a un son années 80, mais reprise assez réjouissante dans l'esprit, et puis juste avant, une reprise justement de Motorhead avec Ace of Spades, toujours par Little Bob, avec une version un peu plus bluesy qui à la fin rend hommage à l'original en rock it, comme il dit, en lançant la version un peu plus rock. L'interview que vous écoutez ce soir dans The Rocks, il n'y aura peut-être pas l'intégralité de l'interview, mais elle sera sur le site, car l'émission se termine dans, allez, vingtaine de minutes, peut-être que ça va être un petit peu juste pour tout vous diffuser, mais en tout cas, elle a été enregistrée au mois de juillet à la Guinguette. Il y avait les Box and Blade, groupe fantastique également sur scène. Il y avait donc Little Bob avec beaucoup d'émotion de le voir toujours avec sa voix intacte et son œil toujours combattant. Et puis le groupe qui moi m'a terrassé ce soir-là, c'était le nouveau groupe de Frandol, groupe du Havre lui aussi, avec ce groupe qui s'appelle les François Premier, avec on va se passer le morceau Franciscopolis juste après. Et vraiment, c'était un grand moment que cela. On attend l'album des François Ier juste après, et ça je le dédie à Duduche qui va, je pense, apprécier beaucoup ceci. On retrouve donc Little Bob en interview dans The Rocks, en interview enregistrée il y a quelques mois puisque c'était début juillet, le début des vacances, et voilà, là nous sommes en septembre, c'est la rentrée. Là je suis un peu, tu vois, je vais chanter assis sur un tabouret assez haut pour que ça me coupe pas le souffle, et on va jouer au milieu du programme, tu vois. Et François Ier, c'est un excellent groupe Frando est bon et il a pris des bons musicos avec lui, comme François Lobat, l'autre rock guitare. Et c'est le rock du Havre n'est pas mort. Tu vois. Little Bob. Là, c'est sa version de Lucille, évidemment, derrière, à l'époque de Little Bob Story. pourrez retrouver en intégralité sur le site ontherocks.net. Mais si vous voulez encore entendre le Little Bob parler, eh bien, il va falloir un peu charter celui-ci. On va retourner à l'interview. Et il y a également des reprises qui ont été faites ce soir-là de Juillet à Blois par Little Bob. Et en particulier ce My Baby Left Me d'Elvis Presley qui est resté dans toutes les mémoires. On se passera l'original juste après si on a le temps. L'italien est revenu petit à petit dans ton chant à peu près en même temps que le blues a commencé à prendre le pas sur le rock. Il y a toujours du rock and roll dans ce que tu fais, mais il y a un peu plus de blues. Et l'italien est revenu à ce moment-là. C'est un hasard ou... Non, pas forcément. Ça a été naturel. Mais n'oublie pas que sur l'album Libero, il y a Vivere Sperare, qui est une chanson en italien. Ce sont déjà en 2001. Enregistré en 2001 et c'était sur les immigrés, tu vois. Vivre et espérer, quoi. Vivere sperare. Et puis, il y avait une autre chanson qui s'appelle Déborah sur les filles qui venaient faire le trottoir, aussi bien en France qu'ailleurs, quoi, en Italie. Et... Allez. Ouais, quand je peux chanter en italien comme je veux. Et ça, c'est. Je suis assez heureux de ça. Erano nascosti in fianco all'autostrada. Aspettando che il cielo sera diventi scuro, fumavano uno spillo per calmarsi i nervi, abbagliati dai fanali delle macchine continuano a passare. Sono lì sulle rocce, lì vicino al mare, aspettando gli stranieri che vogliono attraversare. Rischiano la vita e sono numerosi, 30 su un barcone con niente da mangiare. Pagato caro, tributo di passaggio. Non sanno cosa trovano, non sanno dove vanno. Vogliono solo vivere. Vivere e sperare. Vivere e sperare. Vengono dappertutto, dall'Africa all'Asia, dall'Europa dell'Est, Mohammed Anastasia. Credo nella terra promessa qui, dove il sole è più bello, il cuore di scaldare. Ci siamo noi che viviamo il progresso, con i nostri problemi si avanza lo stesso, internet, la TV, la politica, il calcio, a dare un po' del nostro amore, dobbiamo imparare. Évidemment, une influence majeure de Little Bob que cette voix magnifique d'Elvis Presley, première période. Elvis Presley avec My Baby Left Me, et juste avant, c'était Vivere Sperare de Little Bob. Merci beaucoup à Christophe Arondo, à Roxette et à la guinguette de Blois de m'avoir permis de réaliser ce vrai plaisir, après 30 ans d'émission, d'avoir croisé la route de Little Bob. Il manque des petits bouts à cette émission spéciale, vous la retrouvez en intégralité sur ontherocks.net. Il y a eu un magnifique festival Hop Hop Hop, très très belle édition à Orléans ce week-end. Je vous ai ramené 4 interviews dans ma musette qu'on va se distiller dans les mois et les semaines à venir. On commence dès la semaine prochaine avec une découverte vraiment, vraiment très envoûtante, celle de Jawar. On en reparle la semaine prochaine dans The Rocks, émission spéciale donc Jawar avec interview. Pas du tout le même style que Little Bob, mais c'est la richesse de cette émission depuis 30 ans. Et on termine avec la dernière partie de l'interview de Little Bob, juste avant de retrouver la rédac du sport. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 19h, 20h30 en direct sur Radio Arc-en-Ciel, en rediffusion sur ZEF à Blois, et puis quand vous voulez sur ontherocks.net. Ciao, portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine avec Jawar. Alors on parlait de libéraux, quelle est selon toi la chanson d'un autre artiste, donc t'as pas le droit de dire libéraux du coup, qui évoque le mieux la liberté? MC5. Ah ouais, maintenant c'est les Américains avec tout ce qui va autour, et c'est très spécial. Mais en France, oui, il y en a des. Maintenant, je peux pas te les dire tous parce que je j'écoute pas beaucoup de la chanson française, tu vois. Donc, il y en avait. Maintenant, ça disparaît peut-être un peu. Mais faut faire gaffe d'ailleurs qu'on devienne pas tous, toi, Jean Foutiste, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et c'est très très dur aujourd'hui ce qui se passe, et on sait pas ce qui va arriver. Voilà. Nous, pour l'instant, on va monter sur scène, on va faire un bon concert, c'est tout ce qu'on demande. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté, ce que tu nous apportes encore ce soir. Au revoir tout le monde, c'est Little Bob sur On The Rocks. Au revoir à tous. You are going to be the solution. That's right. You must choose, brothers. You must choose. It takes 5 seconds. 5 seconds of decision. 5 seconds to realize your purpose here on the planet. It takes 5 seconds to realize that it's time to move. It's time to get down with it. Brothers, it's time to testify. And I want to know, are you ready to testify? Are you ready? I give you a testimonial. The more I feel it, the more I grow. envie de tout laisser tomber, les problèmes, les soucis, et puis de prendre la route et se barrer comme les hobos américains faisaient, prenaient le train et se barraient. Ils gagnaient leur vie comme ils pouvaient n'importe où, mais ils avaient plus de soucis, plus de problèmes. Just like a hobo would. I would like to cross the world. Travel.